la chococo. Si zèd matin sonne, jouka ouvè. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Oh, ti van kavante. Sosyo ka chèche flè pou yo souse. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Mwen santi anti lo de vani. Mwen save se ou ki ka vini toutou. Plus douce qui vous m'a poko je touvé. Mais pas quoi que ça existait. Toutou. West Indies, yeah. Pas ni bon de côté. Assis la tête pour moi ça peut aller. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Ah, dans pays comme ça, c'est là tout seul moi t'ai pu rencontrer. West Indies, West Indies, West Indies, les moins sentis anti-lots de vani. Moi savais c'est où qui a fini toutou. Plus douce qui vous m'a poko je touvé. Mais pas quoi que ça existait du tout. West Indies, yeah. Mais du tout tellement douce après l'amour. Que même pas capable de faire du mal, baby. Mais du tout encore plus belle après l'amour. Mwen pa kapab te fè ou la pè. Mwen doudou an kopli douce apre l'amou. Ka mwen pa kapab te fè ou la pè, baby. Mwen doudou an kopli douce apre l'amou. Ka mwen pa kapab te fè ou la pè ankor. Côté, assis la tête pour moi, ça peut aller. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Ah, dans un pays comme ça, c'est là tout seul, moi, te peux rencontrer. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Moi, senti anti-lots de vani. Moi, savais c'est où qui a fini tout. Plus douce qui vous m'a poko je touvé. Mais pas quoi que ça existait du tout. West Indies, yeah. Décollage encore, où nous a monté, monté, monté. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Oh, tu vas qu'avancer, tes yeux cachés, je plais pour y soucier. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Et moi senti anti-lots de vani, mais ça va être où qui a fini tout tout. Plus douce qui vous m'a poko je touvé. Mais pas quoi que ça existait du tout. West Indies, yeah. Mais du tout encore.